Mais le bâtiment ne bosse pas bon maintenant. Le bâtiment là-bas. Mais le bâtiment aussi sonne bon. Le bâtiment là-bas. Maman, ça là-bas. Mais moi, je suis là. Maman, là, maman, voilà. Voilà le tout. Voilà. Hello.